Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap News, les formations des paysans, comme la Fédération générale nationale des sociétés des paysans et la Société des paysans catholiques, ont organisé le vite courant une cérémonie de constitution du comité préparatoire des paysans pour le rendez-vous de toute la nation pour la paix et la réunification de la patrie et le développement des rapports sud-nord. À la cérémonie de constitution, les orateurs ont dit qu'il faut rassembler la force et l'intelligence de toute la nation du Sud, du Nord et d'Outre-mer pour ainsi ouvrir le rendez-vous de toute la nation.